urbaine des grandes cités génitrices de nouvelles idées. C'est à l'ouest de l'Europe un sentiment qui se développe, un sentiment qui se développe. Si le racisme capillaire quasi continue dans l'air est un produit de violence, interférent, intolérance, interférent, intolérance. De nos esprits.